c'est Wrestles Radio, spécial Late Night Wrestles avec Bruce G. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Late Night Wrestles, le podcast dédié à la WWE, dont c'est la dernière édition de l'année 2015, le dernier live consacré au dernier pay-per-view de l'année, TLC, Tables, Ladders and Chairs. Et donc moi je vais tenir la table en attendant, j'aime bien manger tout ce qu'il y a dessus surtout. Avec moi il y a celui pour lequel vous aimez bien monter je pense tout en haut de l'échelle, surtout pour le toucher peut-être à une mallette, c'est Renaud. Salut Renaud. Bang ! Salut Brosti, salut tout le monde. Ah, t'es gentil hein, sur l'intro, très gentil. Ah oui, t'es très malléable, oui. Ouais, merci. Ouais. Et puis sinon... dans l'équipe de ce soir, lui, il aime bien plutôt être sur le coin de la chaise, je crois. Ce qu'on a compris plusieurs fois par le passé, c'est Sébastien. Salut Seb. Eh oui, c'est mon expression traditionnelle, celle que j'aime bien utiliser, que personne ne comprend, mais bon, il en faut aussi. Bonsoir à tous. Voilà, bon, ben, on va utiliser un petit peu tous ces instruments dans la soirée. On va parler donc de TLC. Et à la fin, surtout, n'oubliez pas, soyez avec nous parce qu'on va annoncer notre invité international qui va débuter l'année 2016. Donc, soyez là pour écouter ce fameux nom qu'on annoncera dans un peu moins d'une heure. Mais d'ici là, bon, on va lancer, comme d'habitude, le jingle avant de passer à l'analyse du pay-per-view. Et nous revoilà donc pour parler de ce TLC qui avait lieu au TD Garden de Boston, dans le Massachusetts. Avec tout d'abord, comme d'habitude, le kick-off show avec René Young aux manettes. Et puis avec toujours l'équipe traditionnelle qui change jamais, Corey Graves, Booker T et Byron Saxton. Et un match du kick-off show qui était plutôt assez long par rapport à d'habitude. Et un match féminin surtout, qui opposait Sasha Banks à Becky Lynch. Et victoire de Sasha Banks après 11 minutes 12 grâce à l'aide de Naomi et Tamina. Seb, je sais que t'as vu, t'en as pensé quoi? Ouais, je regarde pas tout le temps les kick-offs, mais celui-ci, je voulais le voir, ce match-là, parce que j'ai encore en mémoire les fabuleux matchs que ces deux jeunes femmes ont fait à NXT. Et là, je voulais voir ce que ça donne sur le main roster, et forcé de constater que clairement, il y a pas le même niveau. J'ai l'impression qu'elles sont un peu bridées de ce côté-là. Elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent. D'ailleurs, Mick Foley, je crois, avait critiqué cela aussi, que les divas ne sont pas aussi libres qu'elles le sont à NXT, qu'elles ne proposent pas forcément les matchs d'un même niveau. Et là, c'est le sentiment que j'ai ce soir. Hein. Même la foule qui n'était pas spécialement dedans, que Sasha Banks est du coin. Elle vient de Boston, donc... On aurait pu croire qu'ils seraient à fond derrière elle et finalement ils étaient assez extérieurs au match, donc une déception. Il n'y avait quand même pas d'enjeu, surtout dans ce match. Ça aurait pu faire un number one contender match peut-être, mais ça n'a pas été le cas. Il y a quand même beaucoup de monde qui attendent que Sasha Banks soit la challenge des enfants au titre d'Iva et c'est toujours pas son heure surtout. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'elle mériterait quand même enfin sa chance pour le titre d'Iva au moins en début d'année 2016? Moi de ce que j'ai vu, oui. Ce que j'ai vu en weekly, je dirais oui, même en pay-per-view. Même si dans les pay-per-view, elle était en team, mais elle avait fait un bon match à Raw il y a quelques temps de ça. Hein, ça devait être avant le SummerSlam. Donc moi, de ce que j'ai vu, oui, je pense qu'elle peut largement être challengeuse au titre de champion, au titre de championne des divas, clairement. Bah, Sébastien, la même chose. Oui, clairement. Après, je pense qu'on se dirige vers un Becky Lynch contre Charlotte au vu des récents développements à Raw. Ça risque ouais. D'être ça. Après, c'est étonnant qu'elle ait perdu ce match, justement. Ça m'a étonné. Ah ben oui. Bon, on verra ce qu'il en sera. Et puis, on parlera de Charlotte un petit peu plus tard. On va replonger dans l'analyse du pay-per-view. J'ai oublié de préciser que vous pouvez réagir sur le chat YouTube. Aussi sur Twitter avec le hashtag WRLive. Donc, on attend vos réactions avec impatience, bien sûr. Et avec le premier match, pas dans l'ordre du pay-per-view. Ouais, c'est un choix subjectif. C'était le chess match pour le titre des États-Unis entre Alberto Del Rio et Jack Swagger. La victoire d'Alberto Del Rio, qui conservait son titre après 11 minutes 12. C'est exactement la même durée que Kickoff Show d'ailleurs. Et un an après, Jack Swagger qui paiera encore pour la ceinture des États-Unis, d'ailleurs, dans le même pay-per-view. Renaud, t'as pensé quoi de ce match? Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Encore une fois, c'est encore le cas pour Del Rio. C'est vraiment dommage. Je trouve que depuis qu'il est arrivé, Del Rio, il y a un petit souci quand même au niveau des prestations in-ring. Alors, pas que ce soit vraiment mauvais, mais vraiment on retient rien, quoi. C'est dommage parce que c'est un catcheur qu'à une époque, à chaque pay-per-view, même s'il était en mid-card, ça pouvait arriver. Il y avait toujours ce petit truc, cette petite étincelle. Et là, je trouve qu'il y a rien à en tirer. Alors, c'était déjà croisé plusieurs fois ces deux-là, que ce soit à Raw ou à SmackDown, notamment en 2013, même à WrestleMania 29 d'ailleurs, où Del Rio à ce moment-là était face et avait défendu le titre de champion du monde poids lourd contre un Swagger Hill. Là aussi, hein, ce match, tout le monde l'a pratiquement oublié. Donc, c'est pour preuve, hein, c'est vraiment quand ils affrontent ces deux-là, on n'en retient pas grand-chose, c'est dommage. Et là, je trouve que bon, ben, c'est encore le cas. Et un move à retenir, ça serait peut-être le move de fin, bien sûr, le double stomp de Del Rio porté sur un tapis de chaise. À part ça, je retiens pas grand-chose, quoi. Et Seb, je vais te le demander peut-être à l'échelle des chess matchs, qui est la stipule la plus bâtarde, on le sait, c'est jamais la plus sympa, c'est toujours les matchs les plus pourris en général. Tu situerais ce match où à peu près parmi ceux que tu as vus? Dans la moyenne, je dirais, je pense que le meilleur, ça doit être Cena contre Barrett il y a quelques années. Oh, Tu vois, il 2010. est 2010, voilà, j'avais pas l'année, donc merci à la Bible vivante Renault de voler à mon secours. Mais ouais, non, ce match est quand même très très potable, hein. Moi, j'en attendais pas grand-chose. Finalement, c'est quand même assez divertissant. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont incorporé la chaise dans pas mal de prises qu'ils utilisent traditionnellement. Par exemple, le Patriot Lock de Jack Swagger, ils ont utilisé une chaise pour le faire. Ou comme l'a dit Renaud aussi, la prise de fin, ils ont utilisé aussi des chaises. Donc ça, c'était toujours intéressant à suivre. Après, il y a aussi eu un coup de chaise dans le visage, quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Ça a été c'est Swagger qui devait jeter une chaise dans le visage de Del Rio. Donc il a essayé de se protéger comme il pouvait, mais je pense que ça lui est quand même bien rentré dans le visage. À voir s'il y aura des remontrances Swagger ou pas, je ne pense pas quand même. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et sinon, je voulais aussi revenir rapidement sur Zeb Colter qui était venu avec Del Rio au pay-per-view précédent à la surprise générale. Leur concept n'a pas du tout marché, quoi. Leur duo vraiment c'était un flop, et donc là la WWE l'a compris et a décidé de couper les ponts avec Colter. Donc chapeau à eux de l'avoir fait, parce que ça ne menait à rien cette histoire. Bah déjà, quand on a vu ça, quand on les a vus arriver ensemble, on s'est dit un peu what the fuck, quoi. Ah, À la c'est ça. base. Après, on attendait de voir comment ça allait se passer, mais c'est vrai que déjà, quand tu prends vraiment les deux gars, et le passé qu'ils ont eu en plus, parce qu'il y a le passé de Colter avec Swagger, face à Del Rio, qui était avec Ricardo Rodriguez à ce moment-là. On revient à ce que je parlais pour 2013. Mais là, tu vois ces deux-là arriver, après les histoires qu'il y a eu en coulisses, avec Del Rio et ses trucs de Mexicain et tous ces trucs de racisme, et Zeb Colter qui avait un rôle un peu beaucoup même de raciste. Donc tu les vois arriver à deux ensemble, tu te dis what the fuck, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est vrai, finalement, Seb, t'as totalement raison. Derrière, ça marche pas, quoi. Ça prend pas. C'était un truc qu'on se disait vraiment que ça allait pas marcher. Enfin, moi, en tout cas, je me suis dit, bon, je pense pas que ça va durer 100 ans. Et c'est le cas, finalement. Donc, ouais, c'est vrai que ça menait à rien, cette histoire, et on a la preuve, là. Et ouais, Colter est arrivé avec Del Rio à Hell in the Cell. Finalement, la précision Parce de que Renaud Survivor était Series entre. utile, oui. Ah oui, C'est je reviens indispensable. sur ce qu'il disait Seb, parce qu'il y avait eu Survivor Series entre. C'est pour ça. Une première réaction de James Rifino qui dit que ce match était vraiment bâclé comme le booking de Del Rio. Bon, pour l'instant, il n'accroche vraiment pas au retour de Del Rio, qui fait d'ailleurs partie de la League of Nations. On le verra un peu plus tard en action d'ailleurs. Ça, il faudra en parler. Et réaction de Ross Cart sur le kick-off show plutôt, ce dont on avait parlé tout à l'heure, qui voyait plutôt Royal Rumble. Un match triple menace entre Becky Lynch, Paige et Charlotte. On verra bien. On Ça verra peut bien, être et peut-être intéressant qu'on aussi, en ouais. reparlera tout à l'heure d'ailleurs. On verra. En tout cas, merci pour vos actions. Et puis, on attend la suite, qui va être le match à 4 contre 4, table par élimination. opposant la Wyatt Family de Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman aux ECW Originals, on peut les appeler comme ça, quoi, les anciens ECW, Tommy Dreamer, Rhino et Dudley Boyz, Bobby Ray et Devon. Facile victoire des Wyatt après 12 minutes 30. Il n'y a eu que Eric Rowan qui a été éliminé au tout début avant que, à tour de rôle, c'était Devon, je crois, Rhino, Tommy Dreamer et Bubba Ray dans cet ordre qui ont été éliminés. Voilà, Seb, je sais qu'il dirait aussi les anciens de la TNA, le connaissant. Et d'ailleurs, t'as pensé quoi de ce match? Ouais, exactement. J'allais parler de la TNA parce qu'on a eu beaucoup de réunions CW dans cette fédération. Et donc, c'est pour ça que ça me touche absolument pas de revoir une réunion CW aujourd'hui à la WWE, hein. Moi, j'ai encore des souvenirs récents de tous les quatre catcheurs impliqués dans cette équipe. Donc, le côté nostalgique ne joue pas du tout avec moi. Après le match contre la famille Wyatt, c'est la bonne décision de perdre, hein, leur avenir est derrière eux. Donc c'est plutôt les Wyatt qui doivent gagner pour construire sur l'avenir. Donc ça a été bien fait de ce côté-là. Après le match en tant que tel m'a pas passionné, mais bon c'est quand même loin d'être ennuyant quoi. Il y a des tables, c'est le public adore, hein, ils ont chanté We Want the Tables après qu'il y ait déjà eu trois hommes qui sont passés à travers des tables, hein, donc ils en redemandent, ils ont encore faim comme Ryback. Et non mais ouais ça va. Finalement le match m'a pas déplu. C'est correct. Ouais, bah alors ils ont touché leur but parce que c'était quand même vraiment une exhibition. Il n'y avait aucun enjeu encore, à part faire paraître la Wyatt Family encore forte, en attendant d'autres choses. C'est toujours pareil avec eux, c'est un groupe assez compliqué à gérer forcément. Et je sais pas, Renaud, quand même, là, c'était quand même pas une surprise de revoir Tommy Dreamer débarquer d'un coup, comme ça. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Je suis plus nostalgique que Seb puisque. Bon, j'ai regardé quelques matchs de la TNA, mais je peux pas dire que je suis comme lui. Donc moi, ça remonte à plus loin de voir Dreamer et Dudley et Rhino ensemble. Maintenant, ça me fait beaucoup mal de voir le logo au début. Enfin, quand on voit les têtes au début, la Wyatt Family qui affronte les anciens de la ICW avec en dessous le logo de Toys R Us, quoi. Déjà, tu vois, je l'ai un peu en travers de la gorge à ce niveau-là. C'est un peu bizarre de voir des gars comme Rhino, les Dudley Boyz et Dreamer à côté du logo Toys R Us. Bon, ça, c'était pour. Je voulais préciser. Après. Pour moi, le combat, c'est une déception. C'est une déception. J'en attendais plus. Alors, j'en attendais pas forcément plus des vieux. Je sais qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais je trouve que déjà, encore une fois, l'utilisation d'Eric Rowan, alors lui, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Il pourrait être quand même monté plus haut. Je dis pas qu'il soit tout en haut de la Wyatt Family, bien sûr. Mais un peu plus haut, quoi. Déjà, au Survivor Series, il s'était fait sortir du ring par les Brothers of Destruction très très vite. Et là, on comprend rien encore à ce qui lui arrive. Donc c'est catastrophique. Rhino, j'aurais voulu au moins voir un gore à travers une table. Si je me trompe pas, il n'a pas fait de gore à travers une table. On demande au moins ça, quoi. Un gars comme Rhino, le gore, c'est le spear. Il appelle ça comme ça pour sa prise à lui. Et c'est sa marque de fabrique, quoi. Il a toujours fait ça, et là, on le voit pas. C'est ce que j'attendais, c'est ce que les fans de la ICW, de la ECW attendaient. Donc c'est dommage à ce niveau-là. Après, bien sûr que les Wyatt, fallait qu'ils gagnent, puisque les anciens, ils ont plus rien à prouver. Les Wyatt avaient servi de faire-valoir au Frère de la Destruction un mois avant. Bray Wyatt avait perdu contre Roman Reigns en octobre, donc il fallait vraiment une victoire forte pour les Wyatt. Alors, ça va plus leur servir à eux qu'aux anciens, ça c'est clair. Et encore une fois, j'ai jamais cru aussi à la fin, la fameuse table en feu où Bubba Ray va sous le ring et va chercher pour allumer le feu, quoi, le truc là. Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment, si vous avez un nom pour ça, pour Du enflammer les tout, tables. mais ouais, on a vu ça beaucoup par le passé, surtout avec Mick Foley, bien sûr. C'était pas mal utilisé, mais la Voilà, WWE mais bien d'aujourd'hui, sûr. faut pas croire non plus que ça arriverait, ouais, c'est sûr. Voilà, donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça va pas arriver, il va se faire contrer. La dernière fois que c'est arrivé, c'est assez récent. C'était à Extreme Rules 2014, entre Kane et Bray Wyatt. Kane et Daniel Bryan, pardon. Et Kane avait traversé la table et s'était un peu brûlé. Enfin, c'est pas une image très marquante. La plus marquante, c'est à WrestleMania 22, en 2006, entre Edge et Mick Foley, où il y a eu un spear à travers la table en feu. Et pour voir, si vous voulez voir ce que Bubba Ray comptait faire, parce que Bubba Ray, à mon avis, comptait faire un powerbomb, une powerbomb à travers la table, il n'a pas pu le faire. Si vous voulez voir Bubba Ray faire une powerbomb à travers une table en feu, il faut se tourner vers un soir de 99, à la ECW, dans un show qui s'appelait Heat Wave, où il a fait passer Spike Dudley à travers une table en feu, et cette image-là, elle est mythique encore aujourd'hui, c'est historique. Ah, très bien, bonne référence. Et réaction Twitter qui va dans ton sens, Renaud, quand tu parlais de Wyatt. Enfin, son bilan des derniers mois, c'est celle de Wesley Maïk, qui, déjà sur le match, l'a trouvé plaisant. Lui, par contre, ça a servi donc à mettre un peu plus ouvert la Wyatt Family. Et pour lui, c'est accompli, y compris pour les anciens de la ICW. Et pour lui, la victoire des Wyatt est normale. Et surtout, la WWE ne pouvait pas faire éternellement perdre Wyatt, car c'est clairement un des futurs de la compagnie. Un des futurs tops, c'est vrai qu'on en parle assez souvent d'ailleurs ici. On le voit quand même régulièrement assez haut, donc ce serait normal de le voir quand même parfois emprunter le sentier de la victoire, c'est sûr. Mais en attendant, s'il n'y a pas d'autre réaction, on peut passer au match suivant, qui n'est pas hyper emballant par contre, je pense que les réactions risquent pas d'être hyper positives. C'est celui qui opposait Ryback à Rousseff, qui avait retrouvé Lana quand la vraie vie rejoint la vie sur le ring. Sachant que c'est un vrai couple quand même dans la vie, et donc c'est devenu aussi un couple dans le ring, avec une soudaine rivalité de poids lourd, achevée par la victoire de Rousseff après 7 minutes 56. Voilà, bon là j'ai pas grand chose à dire honnêtement, parce que le match était quand même assez chiant évidemment. Sébastien, t'as pensé quoi? Ouais, le match est chiant, hein. Ils sont clairement pas mis au niveau d'un pay-per-view. On a déjà eu deux Rousseff Ryback dans les deux rows précédant le pay-per-view, et c'est dans la continuité, hein. Il y a vraiment rien de marquant, c'est tout juste pas stable, et encore, hein, on s'ennuie pas mal. Après, le but c'était surtout de donner une victoire en pay-per-view à Rousseff, parce que l'histoire du triangle amoureux avec Summeray, Lana, même du quatuor amoureux avec Ziggler. Ça a quand même donné un coup quoi à Rousseff. Il a perdu quand même de la crédibilité, je trouve, par rapport à son époque de brut bulgare où il était invaincu pendant très longtemps. Là, il a beaucoup perdu. Et donc il faut qu'il remonte petit à petit, et c'est avec ce genre de victoire en pay-per-view qu'il peut remonter, hein, d'autant qu'il est maintenant membre de la Ligue des Nations, donc ça ne peut que le rendre plus fort, même si je regrette quand même qu'il est quand même un petit peu maintenu vers le bas avec ce rôle d'amoureux transi avec Lana. C'est un peu dommage quand même, je trouve. Il ferait mieux de s'en séparer, je dirais carrément, parce qu'à l'écran, ça n'amène pas vraiment de bonnes choses, je trouve. Ah, et Renaud, tu penses aussi pareil, que le retour de Lana est un peu raté dans ce sens? Ouais, bah, leurs photos sur les réseaux sociaux ont totalement déglingué la feud qui était en place et ce qui était mis en place par les bookers. Donc, ils ont été obligés de faire comme ça. Mais c'est vrai que c'est un combat, déjà, t'as pas forcément envie de le voir dans un pay-per-view de type classique. Alors, dans un pay-per-view comme TLC, où c'est un pay-per-view à stipulation à pratiquement tous les matchs, bah, t'as encore moins envie de le voir, quoi. Ça tombe vraiment mal, et c'est un match d'homme fort, donc tu attends rien et qui apporte rien, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment nul. Après, eux, ils font ce qu'ils savent faire, je veux dire. Mais, c'est pas un match qui m'intéresse en pay-per-view, quoi. Ah oui, donc en gros, comme le dit Roscart, ce match était là juste pour faire bouche-trou, quoi. Mais complètement. Voilà. C'est bien résumé. Même si je pense qu'il a quand même piqué un petit peu quelques minutes à un match dont on va parler plus tard, hein, que j'aurais bien vu quand même beaucoup plus long, mais bon. Ça va être, je pense, un sujet qui risque de nous animer un petit peu tout à l'heure. Hein. En attendant, on va passer cette fois-ci au match pour le titre des Divas, entre la championne Charlotte, qui a été accompagnée de Papa Ric Flair, contre Paige, évidemment, son éternel rival depuis le début de l'automne, carrément. Victoire de Charlotte, au bout du compte, au bout de 10 minutes 39, avec une grosse aide de Papa, quand même. Voilà, donc c'est quand même un nouveau virage pris par Charlotte, d'un coup, qui est pas très très face, quand même, dans cette affaire. Et Renaud, t'en penses quoi? Mais je trouve déjà que Flair reprend son rôle un peu qu'il prenait dans l'évolution quand il aidait Triple H. Alors bien sûr, c'était un autre niveau, hein, parce que Triple H lui gagnait les main events, donc son rôle est encore plus important à Flair. Mais je retrouve un peu ce Flair-là, le Flair manager qui aide son poulain dans le ring. Mais sinon, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien ce que fait Charlotte. Ça me plaît. Et ce combat face à Paige, je l'ai bien aimé. Sincèrement, je suis pas un fanat des divas, mais même si ça va mieux depuis quelques temps, je trouve quand même. J'apprécie plus les combats. Et là, ça m'a plu. J'ai trouvé ça bon. Elles sont techniques, elles sont stiff. Ça fait un moment que je regarde la WWE. Et les divas, ça a toujours été les montagnes russes. On a eu une phase très très haute avec Trish Stratus, Elita de cette période-là, avec Victoria, tout ça. Avant aussi, on avait eu une phase avec Bunakano, Alondra Blaze. Et puis ça s'est perdu, on a eu des hauts et des bas. Il y a eu une période où c'était une catastrophe complète dans le ring. Et là, je trouve quand même, depuis quelques temps, c'est des filles qui envoient du lourd dans le ring. Et ça me plaît. Donc, j'ai trouvé ce match bon. Je trouve que c'est un bon match de pay-per-view avec de la qualité et deux divas qui m'impressionnent. Donc, moi, je suis content. Par contre, Charlotte, qui veut faire la danse de papa, ça ressemble plus à la danse de Jeff Jarrett au final. Mais c'est Ah oui, pas je me grave. suis fait la même réflexion, oui. Sébastien, t'as pensé quoi de ce match, tout simplement? Comparativement au match du dernier pay-per-view entre les deux, j'ai moins apprécié. Le match précédent m'avait plus surpris. Elles ont tenté plus de choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, il y avait une certaine normalité et surtout, c'était quand même convenu dès le moment où on a annoncé que Ric Flair serait dans le coin de Charlotte. On savait comment ça allait terminer. On savait qu'il allait l'aider à gagner en trichant d'une manière ou d'une autre. Et ça n'a pas manqué. C'est finalement ce qui est arrivé. Après, je trouve que c'est intéressant aussi de continuer à surfer sur le personnage de Ric Flair. Parce que le personnage 100% face de Charlotte, il est quand même assez fade, il faut dire. Là, ça lui donne un peu de piment, quoi. Ça donne un peu plus d'intérêt dans son personnage. Et si elle peut être tweener, ça peut être intéressant pour la division, hein. Pas face, pas heel, entre les deux, ça peut être intéressant, je pense. Ouais. Et Rose Carte, qui pense un peu comme moi lors d'un fameux catch-moi si tu peux, il dit que Charlotte est juste là par papa et qu'elle est championne pour un moment, il pense au moins jusqu'à WrestleMania grâce à Papa Flair. Bon, après, il y a un Bien petit sûr que ça groupe. doit. Non, mais bien sûr que ça doit aider. Ça doit aider, Bruce, d'avoir un père comme Ric Flair. Ça doit forcément ouvrir des portes. Après, je trouve quand même qu'elle a un certain niveau pour pouvoir assurer dans le ring. Perso, quoi. Je veux dire, Ah oui. moi, Oui, après, quand même, elle arrive à j'ai débloquer. connu David Flair. J'ai connu David Flair à la WCW quand il faisait équipe avec Crowbar. David Flair était dans le ring parce qu'il y avait Ric Flair derrière. Mais là vraiment, là, c'était Crowbar qui tenait la team de A à Z. Et David Flair, s'il plaçait une souplesse arrière dans un match, c'était cool, quoi. Donc, lui, il était vraiment pistonné par papa. D'ailleurs, finalement, il n'a pas fait carrière derrière. Charlotte, bien sûr que Ric Flair l'a aidé, bien sûr que c'est une aide précieuse. Mais tout de même, il y a un certain niveau dans le ring. C'est certain, Mais elle a c'est pas déjà le fait niveau ses de preuves. Garrett Bischoff. Oh, de suite, oui, Ouais, forcément. bah, voilà un bon exemple aussi. Donc, ouais, non, mais c'est vrai que, comme tu le disais au début, Renaud, il y a un groupe de divas qui est quand même très solide. Elles s'affrontent beaucoup. Après, c'est sûr, il faut peut-être varier, faire monter Sasha Banks, peut-être, aussi remettre peut-être Naomi dans le jeu, par exemple, pour parler des plus grands talents. Après, je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui peuvent revenir. Natalia, je sais pas où elle en est. Sinon, du côté de NXT, il y a toujours Asuka qui pourrait monter peut-être assez vite à un moment donné. Ça, il faut suivre aussi. Donc, il y a de la Bailey relève quand aussi. même. Il faut suivre. Tu citais qui? Ouais, mais à court terme, j'aime bien l'idée de notre auditeur là, le match à 3 au Rumble, ça peut être intéressant, ouais. Ouais, ça me plaît bien aussi, ouais. Bon, mais c'est à creuser. Et sur Twitter, Wesley Mike, lui, il a trouvé que le match était assez solide. Même si Charlotte a enchaîné pas mal de botches quand même, mais il attend de voir la suite, bien sûr. Sûrement donc au Rumble, forcément, parce que risque pas de participer au Rumble match, sauf grosse surprise et sensation, mais à mon avis non. Donc ensuite, le prochain match, c'est celui qui avait débuté le pay-per-view et qui est pour moi quand même le show stealer, peut-être pour vous aussi. C'était le Ladder match à trois équipes pour les titres par équipe la WWE, opposant les champions New Day représentés par Kofi Kingston et Big E contre Lucha Dragons de Sin Cara et Kalisto et les jumeaux Uso, Jimmy et Jay. Et à l'arrivée, Kofi Kingston a décroché les ceintures après 17 minutes 57 après une assist de Xavier Woods qui était au commentaire et qui a jeté son trombone sur Kalisto qui montait à l'échelle. Donc un match assez Heureusement, il a électrisant. pas raté la cible. Ah non, ça sûr, ça aurait été bête. Mais il est très très bon, Ouais. Xavier Woods, dans toutes les attitudes et même dans pour viser, ça c'est quand même pas mal. Mais t'en as pensé quoi d'ailleurs, Sébastien, de ce match alors? Alors, moi, je pense que c'est mon match favori de la soirée, hein. Clairement, un super opener pour mettre la foule dans le pay-per-view. Franchement, difficile de faire mieux. C'est vraiment super bon. Grosse prise de risque de chaque participant et vraiment ils se sont donnés à fond dans ce combat, ça a vraiment fait plaisir à voir. comparativement au dernier Money in the Bank match, qui sont aussi des matchs de l'échelle qui impliquent au moins 6 lutteurs. Je pense que j'ai préféré ce match-là à pas mal de Money in the Bank. Donc, c'est quand même un bon compliment, je pense, parce que c'est un match pour les sites par équipe. Donc, c'est beaucoup moins important sur le papier qu'un contrat Money in the Bank. Et ouais, après, je peux pas rajouter grand-chose, si ce n'est bien sûr que la prise de la soirée, c'est le Soledad del Sol de Kalisto qui casse l'échelle en deux, vraiment impressionnant. Je pense que ce mouvement, on va le revoir encore pendant longtemps comme un des mouvements marquants de l'année. Hein. Peut-être même au Slammy Awards qui aura lieu très prochainement. Il sera peut-être couronné d'ailleurs ce moment. Ah ouais, ouais. Incroyable. C'est sûr. Et d'ailleurs, Renaud, est-ce que pour toi, Kalisto était pas le meilleur homme de ce match, si on pouvait en détacher un? Ah oui, oui. Ouais. Bah, si on doit en détacher un, oui. Après, ils ont tous été bons. Bon, bien sûr, Biggie a été un peu effacé. C'est normal, vu le gabarit du gars. C'était pratiquement sûr. Donc, le match allait nous offrir des prises de ouf avec le travail des Lucha Dragons, des Uso et de Kofi. C'est excellent. C'est franchement, pour démarrer le show, il n'y a pas mieux. Et ça sera le match de la soirée, bien sûr. C'est un opener super. Je trouve qu'ils sont allés au maximum de leur capacité du début à la fin. Moi, c'est ce qui m'a plu. Il y avait du rythme pendant tout le combat, des super enchaînements. Et les prises qu'ils ont portées dans leur répertoire, comme disait Seb tout à l'heure pour le Del Rio Swagger, où il disait qu'il y avait des prises portées avec la chaise. Bah là, eux, ils portaient des prises, mais avec les échelles. Et des prises de leur répertoire avec les échelles. Et ça, c'est super impressionnant. Moi, ça m'a plu, hein. Ça fait mouche à chaque fois. Donc peut-être ce qui m'a moins plu, et c'est un peu pour chipoter, mais le petit truc qui m'a un peu moins plu, c'est peut-être le coup de fesse d'un des Ouzo dans le coin, où il y avait un adversaire qui était assis, puis ils avaient foutu une échelle devant, donc là ça a un peu servi à rien. Je veux dire, le mec il est un peu allé se tuer tout seul, quoi. Il s'est un peu tué les fesses et le dos solo, et le gars qui était assis derrière n'a pas subi d'impact. Mais à part ça, c'est excellent, c'est vraiment des gros combats comme on aime en voir, ça part dans tous les sens, ça a peur de rien, les mecs sont de grands malades. Et quand on est fan de catch, ben c'est ce qu'on aime voir, quoi. Voilà pourquoi on aime aussi TLC, pour ce genre de match-là. Et ouais, et puis les ladders, il faut toujours réinventer. Et le choix, quand même, des trois équipes était plus qu'intéressant, parce que bon, il y a quand même assez peu d'équipes, c'est vrai. Mais c'était forcément le choix indiqué, parce que les Lucha Dragons, ce sont les plus high flyers de la WWE. Et puis, les Usos aussi, ils sont quand même bien dans le catch aérien, donc ça colle bien, ça faisait une bonne alchimie. Avec Kofi, bien sûr, qui est le maître des échelles, je dirais, enfin le plus expérimenté du lot, en tout cas. Biggie, forcément, qui est toujours un petit peu en dessous, mais quand même, son utilisation au sol était pas mal. Donc, du coup, oui, c'est vrai que ça mérite les éloges, ce match. Et d'ailleurs, je vois aussi que Wesley Mike a adoré. Pour lui, c'est le show stealer. Et il dit juste gigantesque, rythmé intense, c'est le super spot. Et bien sûr, donc le Salida del Sol, je corrige un petit peu Sébastien, précisément. Attention, Kalisto va t'en mettre une, donc voilà, oui. Je ne parle pas espagnol, malheureusement. Attention. Et sinon, d'ailleurs, est-ce sinon, on peut se poser la question oui, pour d'ailleurs. L'avenir de la division par équipe. Hein. C'est la question qu'on se pose à chaque fois, parfois avec plus ou moins d'inquiétude. Prochain challenger. Et moi, je vous poserai plutôt la question, est-ce que vous voyez que les Lucha Dragons champions un jour? Un jour, oui, forcément, ça viendra. Oui, je pense que ça viendra, je pense. Je pense après, aussi, quand, en tout cas, je peux dire, mais... au vu de ce qu'ils font là ces derniers temps, de leur affrontement au Survivor Series dans le 55, surtout ce match-là qu'on voit là, et puis même ils sont propres hein, quand on les voit en weekly, je vois pas pourquoi ils pourraient pas toucher au titre de champion par équipe. Surtout que les gosses les aiment bien, la foule aime bien, ça, c'est vrai, hein, les gens aiment vraiment ce qu'ils font, donc ça marche, hein, ça peut être moi, ça me dérangerait pas hein, de les voir champions par équipe, je pense qu'ils ont largement la carrure pour, ils sont excellents dans le ring, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. D'accord. Les titres par équipe, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de faire des promos au micro, il suffit qu'ils affrontent encore le New Day pendant un moment, et c'est le New Day qui fera les promos au micro. De toute façon, les titres par équipe, c'est des titres de mid-card. Donc, c'est pas sur ça, on va pas les faire parler. C'est vrai que les gars qui ont le masque, généralement, ils parlent pas. Bon, Rey Mysterio a parlé après quand il est devenu champion du monde. C'est vrai que je vois mal en ce moment-là, Sin Cara et Kalisto venir faire des promos dans le ring. Mais pourquoi pas, quoi. Après, on sait pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas, en tant que qualité pure dans le ring, bien sûr qu'ils peuvent être champions par équipe, largement. Imaginez par exemple une rivalité entre les Lucha Dragons et Eric Rowan et Braun Strowman, par exemple, ça peut être quand même intéressant, quoi. Deux big men contre deux petits luchadors, sur le papier, c'est quand même intéressant. Ah, ça peut faire des matchs. Ça peut faire des matchs très, très, très spéciaux, ces matchs-là. Ouais, parce que je me souviens aussi de Mysterio quand il affrontait des mecs comme Mike Knox, par exemple. Ou Mike Knox, qui c'est un peu. S'il serait encore là en ce moment, il serait dans la Wyatt Family, hein, parce que c'est le même. Et Ah oui, sûrement, forcément, en tant que barbu, oui, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que des fois, Seb a raison, c'est vrai que des fois, la différence de gabarit comme ça peut offrir des bons matchs. On croit des fois que les gars, il faut qu'ils soient du même gabarit pour offrir des bons matchs, mais pas toujours. Pas toujours. Ray Mysterio Big Show, par exemple, il y a quelques années aussi, hein, c'était sympa aussi. Rey Mysterio Big Show, c'était sympa. Un soir de Backlash 2003, Big Show avait attaché Mysterio sur une civière et il avait éclaté contre le poteau. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il avait éclaté Mysterio contre le poteau avec la civière, il avait aussi lâché la civière. Et Mysterio était attaché, donc il était retombé tête première sur le sol. Je pense que c'est une image qu'on peut encore retrouver aujourd'hui sur YouTube. Ça, tu sors toujours des trucs de ta mémoire bien précis. C'est forcément pour ça que tu es là, je crois. Oui, et qu'on te sort du frigo une fois par mois, en Mais j'ai un peu froid d'ailleurs là. fait. Ah ben alors, là faut boire, mais que de l'eau. Rose Cart, lui, il pense que les Luchas seront champions, mais vers mi-2016 à peu près. Donc, il pense, ouais, peut-être après WrestleMania, en gros, quoi. Ça va être à peu près vers ça. Donc, à voir, parce que. À suivre, ouais. Parce que je sais que je me rappelle qu'il y a quelque temps, on avait aussi parlé de la possibilité que Kalisto pourrait faire un petit run solide en solo, mais peut-être ça peut attendre encore un certain temps, donc Ah oui, c'est à voir. Ouais. ça peut attendre, mais ça viendra. Hein. Oui, ça peut attendre. Ce qu'on avait parlé par rapport au tournoi où il avait affronté Ryback, et il avait fait une prestation superbe, ben là aussi, une différence de gabarit. Ça avait donné un très bon match, qu'il avait remporté d'ailleurs, Kalisto. Ça peut venir, ouais, ça viendra, mais là en équipe c'est déjà très bon. Donc qui bosse bien en équipe et puis on verra après pour la suite. Qui se blesse pas surtout, parce que ce genre de catch-là aussi, des fois, bon ben voilà, ça freine un peu les C'est carrières, quoi. sûr. Eh oui. Et surtout avec les récentes blessures, c'est ce qu'il a souhaité forcément, qu'un élément de valeur comme ça ne se blesse pas, non, ça c'est sûr. Ouais. Et en parlant d'éléments de valeur, il y en avait deux qui s'affrontaient pour le titre intercontinental. Pour la déception de la soirée, forcément, je pense, assez unanime, j'imagine. C'était Dean Ambrose qui affrontait Kevin Owens, ce champion. Et comme en fait le mois dernier. C'est Dean Ambrose qui s'est imposé après 6 minutes 52, décidément la bête noire, qui remporte pour la première fois d'ailleurs ce titre intercontinental, parce qu'on l'avait connu avec une ceinture solo, mais c'était les États-Unis, à l'époque où il était dans le Shield. Donc Renaud, t'as pensé quoi de ce match à la petite durée quand même? C'est assez surprenant quand même. Ouais, bah c'est ça qui m'a gêné. Merci Ryback et Rusev. C'est dommage. Moi, je dis merci Ryback et Rusev parce que si on n'avait pas eu ce match, par exemple, on aurait peut-être rajouté quelques minutes sur celui-là. Enfin, c'est une possibilité, hein. Toi, t'as pas aimé ce combat, moi? T'as pas aimé ce combat, toi? S'il était bon, mais quand même, c'est abusé. C'est moins long qu'un match de weekly, même. C'est un truc de fou. C'est le Ouais, je sais, ouais, match, c'est c'est vrai. le combat le plus court du pay-per-view. C'est quand même dingue. Et deux talents C'est quand même pareils, dingue que le titre intercontinental. Ouais, c'est clair. Ah ouais. On attend quand Après, même j'ai trouvé quelque bon chose de moi le grand. match. Hein, ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est bien disputé quand ils s'affrontent. Moi, j'aime ce genre de match où c'est stiff, mais avec des prises tout de même techniques, notamment de la part de Kevin Owens, qui est capable, malgré son gabarit, de nous surprendre des fois avec des prises venues d'ailleurs. Après, c'est vrai que c'est malheureusement trop court, quoi. C'est vraiment dommage. J'avais bien aimé la demi-finale au Survivor Series. Je trouve que c'était celle qui était au-dessus, comparée à celle entre Del Rio et Roman Reigns. Donc il reste encore sur cette lignée-là. Et puis Kevin Owens, hein, qui porte cette finlandaise, cette souplesse très très proche dans l'exécution de celle d'Owen Hart. Ça fait vraiment plaisir de voir un catcheur la porter. Il n'y a plus de catcheur qui l'a porté cette prise-là, et lui le fait. Et il le fait très bien. Je pense que c'est même si c'est possible que ce soit un hommage de la part de Kevin Owens. Et puis Dean Ambrose, c'est un catcheur méritant. Moi, je trouve que ce gars se donne toujours à fond, que ce soit en weekly, en pay-per-view. Il a été challenger de Rollins pendant un bon moment aussi, où il avait fait un match à Money in the Bank qui avait duré presque 35 minutes jusqu'au bout, quoi. C'est un gars qui se donne toujours à fond et qui a peur de rien. Alors là, c'est pas l'exemple pur, bien sûr, parce que c'est trop court. Mais tout de même, je trouve que c'est bien de lui donner le titre. Pardon, le titre intercontinental, parce qu'il le mérite largement. Eh oui, Rosskaart est tout à fait d'accord aussi. Il espère qu'il fera pas mal de défenses de titre. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est peut-être la question que j'ai d'ailleurs posée à Sébastien. Kevin Owens, est-ce que pour toi il a eu un règne solide? Parce que le pauvre, mine de rien, on l'a vu affronter que Ryback finalement. Non, le règne n'était pas solide, hein. Moi, ça m'a vraiment surpris qu'il perde le titre si rapidement. C'est vrai que le mois dernier, en pay-per-view, il avait perdu contre Dean Ambrose aussi. Et après, il a été principalement un champion fuyard, quoi. Il fuyait l'affrontement. Il se faisait des comptes à l'extérieur, disqualifié quand il le pouvait. Donc, c'est pas vraiment un règne dominant et mémorable pour Owens. C'est dommage. Après, je me demande est-ce qu'il n'a pas bénéficié des circonstances un petit peu Ambrose. Parce que dans ce pay-per-view, si on regarde bien, il n'y a aucune victoire face, il n'y a que Dean Ambrose. Donc peut-être que les officiels voulaient ne pas faire un pay-per-view 100% heel et ils voulaient donner une victoire face importante et ça s'est tombé sur Ambrose. Je me dis que ça doit peut-être jouer aussi. Après, la qualité du combat m'a beaucoup déçu aussi parce que c'est vrai que vu la durée, on peut pas faire grand-chose. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit un des meilleurs combats de la soirée, et du coup, forcément, grosse déception et grosse surprise à la fois. Mais bonne quand même, ou mauvaise. Bof, enfin, je veux dire, je suis content pour Ambrose, mais je suis aussi très déçu pour Owens qui, je pense, aurait pu faire encore facilement quelques mois avec cette ceinture. Owens a quand même du mal à sortir de cette trilogie contre John Cena. Il y a beaucoup de gars comme ça quand ils sortent, mais Rousseff aussi. Il y a des gars comme ça quand ils sortent de la trilogie face à John Cena et quand ils sont propulsés très fort. Rousseff, il a été propulsé comme invaincu. Et à partir du moment où il a perdu, ça a été très compliqué pour lui derrière. Umaga, c'était ça aussi. En 2007, Umaga, il a été invaincu. Il a perdu contre John Cena. Ça a été très compliqué derrière. Et là, Kevin Owens, il enfile le titre intercontinental. Mais franchement, l'utilisation, elle était terrible. Il était en opener contre Ryback dans un match où tout le monde s'en foutait. Puis après, il a été mis dans un match juste avant le main event, dans un silence de mort, tout le monde s'en foutait. Il va vraiment falloir travailler avec lui, parce que c'est un bon catcheur qui mérite plus. Mérite mieux en tout cas. Mais c'est vrai que l'utilisation de Owens, en tout cas depuis ses défaites contre John Cena, c'est un peu dur. Parce que je pense que la WWE se met toute seule en difficulté. C'est pas par rapport aux catcheurs, c'est elle qui les propulse trop tôt, trop vite, trop haut. Et puis après, ils sont forcément obligés de redescendre. Et c'est compliqué pour les mettre à un bon niveau. Alors ils ont voulu lui filer le titre intercontinental, mais au final, ces matchs, on les oublie, quoi. Ouais, Top Level pense que Kevin Owens va pas descendre quand même assez vite, hein, parce que lui, il a calculé qu'on part du principe qu'Owens il a perdu le titre pour avoir un gros match à WrestleMania. Enfin, sinon pour lui c'est tout pourri. Donc voilà, Et il a peut-être raison aussi. c'est sûr. Non J'imagine mais qu'il aura un gros match, mais si c'est pour le il a perdre tout perdu. derrière. Ah, il faut voir contre qui. Parce que d'un autre côté, il y a Mehdi Soulas qui voit plutôt une vraie rivalité entre Owens et Ambrose pour vraiment redonner du prestige à ce titre intercontinental qui forcément, voilà, et on se rappelle à Bryan malheureusement ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu l'intermède Ryback qui était quand même très malheureux. Là, forcément, on a quand même des champions qui sont assez costauds dans les caractéristiques générales. Tant au micro que dans le ring, donc on peut toujours espérer. Après, il faut toujours des rivalités intéressantes, des matchs assez longs, plutôt quand même Et pour bien mettre sûr. plus en relief cette ceinture. Et bien sûr, ça passe par là. Ils ont beau le donner à des bons catcheurs, mais si derrière on leur donne 6 minutes par pay-per-view et on leur donne pas de feud vraiment approfondi en weekly, c'est sûr que les gens derrière, ils vont pas attendre vraiment grand-chose de cette ceinture intercontinentale. Alors, ça fait plusieurs années déjà que le débat, on le pose sur cette fameuse ceinture intercontinentale. Et malheureusement aussi, un gars comme Daniel Bryan, à la ceinture, il se blesse. C'est vrai que lui, vraiment, il aurait pu remonter le titre très haut. Parce qu'à une époque, il était vraiment très haut, ce titre. Et là, depuis quelques temps, bon, ben voilà, on sait le problème avec cette ceinture, on verra ce que ça donne avec Dean Ambrose maintenant. On en parle souvent, ça peut aussi être une unification des ceintures entre les titres intercontinentaux et le titre US, hein, une rivalité Ambrose contre Del Rio, c'est pas impossible non plus. Et je pense que ce serait peut-être le bon moment pour unifier les deux ceintures, parce que forcément, c'est deux ceintures mineures, et une ceinture mineure suffit, je pense, actuellement. Ah, ça, c'est un vrai serpent de Ouais. mer, c'est sûr. Parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas cru que les deux grosses ceintures, poids lourd et de la WWE, seraient fusionnées. Finalement, c'est passé café crème, hein, mine de rien. Donc, c'est possible, en effet, qu'un jour, ça pourra arriver. On verra. Après, il y a Surtout toujours que les risque. catcheurs de Raw sont aussi les mêmes à SmackDown. C'est Bah, c'est ça, ça, hein. c'est que les quatre. Et voilà, avant le titre US, ben, ils pouvaient se retrouver à SmackDown, donc le titre intercontinental était à Raw, ou vice-versa. Et là, maintenant, comme les mecs, ils vont à Raw et SmackDown chaque semaine, c'est clair que là, on n'a plus besoin. Moi, je suis d'accord avec toi, Seb, je pense qu'on n'a plus vraiment besoin d'avoir. Surtout le titre US. Je veux dire, s'ils unifient, bon, ben, ils gardent le titre intercontinental, le titre US, je pense qu'il peut disparaître. Déjà, c'est un titre qui était arrivé du temps de la WCW, ou avec le rachat de la fédération, il est arrivé avec l'Alliance, et dans les mains de Booker T, qui avait perdu assez vite. Et puis après, ils en ont fait un nouveau titre, où là, ils l'ont redesigné dans un tournoi qui a eu lieu à Vengeance 2003, c'est la finale, entre Chris Benoit et Eddie. Donc, c'était juste pour SmackDown à l'époque là, à cette époque-là, pour 2003. Mais depuis, c'est clair que ce titre, il a énormément perdu. Le titre US, c'est encore pire pour moi que le titre intercontinental aujourd'hui, quoi. Ouais, excepté la période C'est... John Cena quand même, Oui, qui a bien bien sûr. monté la Mais ceinture, voilà. elle est vite redescendue. Encore une fois, c'est pareil. Mais c'est exactement pareil. John Cena, quand il a eu la ceinture, comme c'est un catcheur qui a des épaules énormes, qui est très très haut, qui a une carrière énorme, ben, ça a marché. Et ça aurait pu marcher pour le titre intercontinental avec Daniel Bryan. C'est pareil. Voilà, ouais, tout dépend du catcher, donc on espère qu'Ambrose va pouvoir bien le porter. C'est sûr. Pour finir cette analyse, la réaction de Wrestling Mike sur Twitter qui dit que Owens et Ambrose ont tellement de talent qu'ils s'attendaient peut-être à plus. Mais bon, c'était quand même agréable, bien que c'était trop court. Et sinon, oui, il regrette quand même que le règne d'Owens soit aussi court et surtout qu'il n'était pas assez exposé malgré cette courte rivalité avec Ambrose. Mais bon, ça peut s'étaler, il faut voir en début d'année 2016 en tout cas s'il continue à croiser le fer. S'il y a un angle au Royal Rumble ou quelque chose comme ça, ou directement un match peut-être quand même, parce qu'il y a toujours un rematch dans ce cas-là, donc faut voir quelle place ils vont lui donner. Et donc on va finir cette analyse quand même par le gros morceau, sur le papier bien sûr toujours, le titre poids lourd de la WWE qui était en jeu dans le TLC match, le 18e du nom. Entre champion Sheamus et Roman Reigns, celui qui échoue toujours au dernier moment, la frustration à fond et qui va encore bien bien être frustré vu que Sheamus s'est imposé après 23 minutes 58 après une intervention de ses collègues de la League of Nations, Rusev et Alberto Del Rio. Et ensuite après le match, Roman Reigns a eu bien bien mauvaise. Parce qu'il a bien bien tabassé à coups de chaise Sheamus. Ensuite, Triple H, pardon, et Stephanie McMahon sont arrivés avec tout plein d'arbitres. Et Roman Reigns s'en est pris à Triple H très fortement, le faisant passer à travers la table mexicaine et lui envoyant plusieurs spears. Il risque d'y avoir pas mal de répercussions. Et Roman Reigns, c'est vraiment le gars contre l'autorité en ce moment. Sébastien, t'as pensé quoi du match et de ce fait-là que Roman Reigns soit vraiment le face fort actuellement? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un bon choix? C'est presque un choix par défaut, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de faces qui peuvent être vraiment dans le main event à l'heure actuelle. Peut-être Dean Ambrose, mais bon, maintenant qu'il a gagné le titre intercontinental, on sait qu'il sera bloqué dans la mid-card, donc il y a que Roman Reigns en vrai face. Donc à moins d'un retour de Cena, il y a que lui pour faire ça, donc à voir. Mais après le match en tant que tel, moi je l'ai bien aimé. Les deux catcheurs sont vraiment vraiment donnés à fond quand même pour proposer un combat solide. Ils ont cassé beaucoup de tables, même des échelles qui sont cassées sous le corps de ces deux lutteurs. Donc malheureusement pour eux, on a eu des tables et des échelles cassées tout au long de la soirée. Donc ça a eu beaucoup moins d'impact. Je pense que le même match dans un pay-per-view sans match à stipulation, où tu as uniquement un TLC en fin de pay-per-view, la réaction des fans est multipliée par 2-3. Et là, ce soir, malheureusement pour eux, ils n'ont plus l'effet de surprise, l'effet de nouveauté, puisque c'est encore assez frais dans l'esprit des fans. Mais bon, ils ont quand même proposé un bon combat, j'ai trouvé. Même l'intervention de la Ligue des Nations était totalement prévisible, hein, donc pas de déception de ce côté-là. J'aurais même été au contraire choqué que ça n'intervienne pas. Je me serais dit que c'est pas logique d'un point de vue de la story, puisque le match est sans disqualification, donc forcément la Ligue des Nations pouvait intervenir. Mais bon, oui, globalement, ouais, j'ai quand même bien apprécié ce combat, malgré le manque de suspense évident quand même. Ouais, Renaud, aussi emballé que Seb. Ouais, j'ai trouvé que c'était J'ai trouvé que c'était un bon match, bien solide. Et je te rejoins totalement, Seb, sur toute la soirée par rapport à ce que tu dis, par rapport aux utilisations d'armes. C'est clair que si ce match-là était seul dans un pay-per-view classique et qu'il aurait été un TLC, les fans auraient encore plus apprécié, ce qui est logique d'ailleurs. Mais je pense pas qu'il va marquer l'histoire des TLC matchs, qui va rester dans la mémoire des fans pendant des années. Mais ça reste un bon combat solide, je trouve. Stiff, et puis il y a pas mal de tapes pétées. Sheamus qui balance des chaises. Enfin, Sheamus, pardon, qui se fait balancer sur les chaises et les tables à l'entrée, là, où Roman Reigns a pété un câble, il a balancé directement dedans. C'était pas mal ce spot-là. D'ailleurs, Sheamus a ouvert le bras. Mais je trouve que ça respecte son quota de tables pétées, d'échelles pétées, de chaises utilisées, surtout Roman Reigns à la fin qui se lâche complètement. Par contre, oui, c'est vrai que les coups de chaise de Roman Reigns, tu sens un peu aussi Triple H que le in-ring, ça lui manque un peu, hein, parce que la façon de le selling de Triple H sur les coups de chaise de Roman Reigns, c'était limite un peu abusé. Bon, moi j'en ai rigolé et ça m'a fait sourire, mais tu sens quand même il a envie de tomber sur le ring, Triple H, ça lui manque. Alors, c'est pour montrer la puissance de Roman Reigns aussi, le pétage de câble, c'est bien, hein, mais bon, c'était un peu abusé, surtout que Triple H, il en a pris des coups de chaise dans sa carrière. Je peux vous dire que des fois, il sautait pas dans tous les sens comme ça. Mais après, je trouve Roman Reigns beaucoup plus intéressant, moi, quand il est en mode agressif. Sur la fin, il a quand même une gueule, Roman Reigns. On a beau dire ce qu'on veut, il a quand même un charisme naturel, je trouve. Et quand il est en mode agressif, comme à la fin, quand il s'excite comme ça, quand il apporte un spear en venant de très très loin avec un élan de fou, furieux, ça m'a plu. Je préfère le voir comme ça que le voir en pleureuse. Par contre, la WWE, avec lui, elle nous l'avait enfoncé bien profond dans la gorge au Royal Rumble. Et maintenant, on est un peu en mode, ayez pitié pour Roman Reigns, quoi. Soyez tous derrière lui parce qu'il se fait avoir par tout le monde, pay-per-view après pay-per-view, show après show. Donc bon, ça c'est la WWE tout seul, hein, qui veut imposer. Et puis les gens aujourd'hui, ben, c'est pas comme avant, quoi. C'est pas comme quand t'imposais Hogan, c'est terminé ce temps-là. Donc les gens se rebellent. Un petit peu comme le booking de Daniel Bryan, ça. Ouais, c'est très proche. Toujours, hein, très près de la victoire et ah oui, surtout créer un seul attrissement des fans. Et, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben, un peu Roman Reigns est un peu. Ouais, c'est très très proche. Dans la story, c'est très très proche. Et Roman Reigns, il a un peu du Daniel Bryan dans la story, puis il a un peu des fois du John Cena, c'est un peu le Superman. Il y a un peu des deux, donc on verra ce que ça donne. Après, Sheamus, lui, c'est un champion solide, hein, ça, on en était sûr, hein, on le sait depuis plusieurs années déjà. C'est juste qu'il était mal utilisé avant ça. Mais là, il est revenu en main event. Moi, il m'a pas surpris, hein. Je veux dire, il a fait son match, c'est un catcheur hyper complet. Très bon dans le ring, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le match est bon, mais bon, l'opener fait qu'on place en dessous, quoi, ce qui est logique. Et Mehdi Soulage, lui, a trouvé le match particulièrement violent. Il a trouvé qu'on n'a plus l'habitude de voir des matchs aussi physiques comme ça. Il a beaucoup aimé. Donc c'est vrai qu'à Sheamus, en général, de toute façon, lui, c'est toujours quelqu'un qui oblige à se surpasser de toute façon au niveau physique. Et puis Roman Reigns, c'est pas le dernier de toute façon à se donner à ce niveau-là. Et il a quand même bien rattrapé le coup sur Triple H à travers la table dans l'après-match. Son départ, c'est sûr, c'était malheureusement un petit peu raté vu qu'il n'était pas passé à travers la table, mais c'était bien rattrapé en suivant. Même si c'est sûr, j'ai trouvé assez long quand même l'après-match, mais bon, voilà, ouais. Comme tu disais, Renaud, c'est sûr, ils essaient à fond de le faire passer comme le gars qui subit les injustices et qui forcément arrive à péter un plomb à force, et puis on peut comprendre. Donc c'est sûr que ça va être la trame du mois à venir et des fêtes de Noël, ça c'est garanti. Et je vois même, c'est vrai qu'en faisant le rapprochement avec Daniel Bryan, je vois même un match sur le long terme, je sais pas, assez rapidement en Rumble, mais je vois plutôt limite à WrestleMania, un match entre Roman Reigns et Triple H. Ah oui, Ça va s'inviter. Je pense aussi. Il y a eu un spear au Survivor Series. Là, on est monté encore d'un cran, même de plusieurs crans. Et à mon avis, oui, ça va s'étaler sur plusieurs mois pour aboutir à WrestleMania. Je pense aussi que les deux vont se croiser à WrestleMania. Eh oui, donc maintenant il reste à voir qui Sheamus va affronter. C'est sûr qu'il va rester encore rivalité à Roman Reigns, je pense. Après, il faut Sûrement. voir avec le Rumble en plus quel adversaire lui sera proposé à ce moment-là. Et puis ensuite, bien sûr, voir s'il peut garder la ceinture jusqu'à WrestleMania. Ça semble assez bien parti pour lui, de toute façon, tant que Rollins ne revient pas, vu que Rollins ne reviendra sûrement pas avant WrestleMania, ça va pour l'instant, pour Sheamus, c'est assez tranquille. Après, faut voir, c'est sûr qu'il a à craindre après le Royal Rumble, on sait jamais. Il y a peut-être un qui va faire Sheamus son qui fasse retour. attention, à Brock Lesnar. Et ça fait un moment que j'en Ah, c'est parle, vrai, peut-être oui, pas j'ai sur Wrestle oublié, Radio. Lesnar, mine de rien. Non, mais justement, un gars comme Sheamus, quand on voit ce qu'il donne physiquement, et là on a encore eu la preuve, hein, vraiment face à Roman Reigns, on avait vu aussi Roman Reigns qui donnait physiquement juste contre Brock Lesnar, justement, à WrestleMania 31, qui avait été un match hyper stiff, où Lesnar avait fini avec une drôle de tête. D'ailleurs, le lendemain à Raw, il n'était pas très beau à voir. Eh bien, Sheamus, c'est ce genre de gars-là. Je veux dire, Sheamus, bien booké, bien stiff, avec beaucoup d'efforts physiques, peut largement tenir tête à un Brock Lesnar. C'est juste que ces derniers temps, il était mal utilisé, mais Sheamus au top face à Brock Lesnar, moi, ça m'intéresse fortement, quoi. Vraiment. Si la ceinture est en plus en jeu, je trouve que ça peut être très intéressant, un match de gars costauds comme ça, très physique. Ça m'intéresse. Ça serait cool. Enfin, pour moi, en À tout cas. voir. Alors en 2016, ce qui peut se passer. Et Wesley Mike lui a trouvé le match bon avec beaucoup d'efforts physiques et une stipulation bien gérée par les deux. Donc un bon match de pay-per-view, finalement un bon main event du coup. Tout le monde se rejoint à ce niveau-là. On va voir si tout le monde va se rejoindre, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter sur les notes. Bon, s'il n'y a rien à ajouter, on peut passer donc aux notes, ouais, sur 10. Je vais lancer Sébastien en premier d'ailleurs sur sa note. Qu'est-ce que je vais mettre comme note? Je pense que je vais partir sur un 6,5 quand même. Je pense que l'opener, on l'a déjà dit, est vraiment très très bon. Le main event aussi est un bon match. Après, il y a le milieu de la carte qui est pas exceptionnel, mais qui fait quand même le boulot pour la plupart. Il y a 2-3 matchs qui m'ont vraiment pas plu, mais le reste est quand même très correct. Donc, ouais, 6,5. Renault. Je vais mettre un 7. Pareil, hein, l'opener, bien sûr, qui fait beaucoup d'ailleurs dans la note, parce que ce match est énorme. Et le main event, qui est un gros match solide, on vient d'en parler. Je suis content pour Dean Ambrose, mais j'espère qu'ils vont bien travailler avec lui, et c'est un catcheur qu'il mérite. Par contre, voilà, déçu du 4 contre 4 avec les Wyatt, face à mes amis, les vieux. Donc, ça, c'est une vraie déception. Et puis, les autres matchs, le Diva est bon pour moi, et les autres, ça s'oublie. Donc, ouais, 7. Ah ouais, bon, mais une fois n'est pas coutume, je vais encore donner la moins bonne note, mais ça va être un bon petit 6 quand même. Ouais, parce que c'est sûr, j'étais quand même pas mal déçu Ça du t'arrange pour la Ambrose. moyenne, Ouais, aussi, oui, c'est sûr, hein. mais non, mais aussi quand même par rapport à Ambrose Owens, j'ai été gêné par la durée parce que c'était quand même un match que j'attendais pas mal déjà sur la carte. Après, j'étais comblé par l'opener, bien content du main event tout de même, c'est sûr. Une bonne longueur de pay-per-view quand même, un bon match féminin, après il y a eu de bonnes choses par-ci par-là, quelques petits ratés, notamment dans le match des tables, c'est vrai quelques mouvements ratés, mais dans l'ensemble un bon effort global, même si TLC j'ai un talent général un peu plus, c'était quand même pas si mal, surtout que ouais, j'avais moins aimé l'édition de l'année dernière, je me souviens. Donc, du coup, ouais, 6, c'est notre moyenne, et au final c'est même un bon 6,5. Pour conclure l'année, c'est quand même pas mal, je trouve. J'aurais même presque pu mettre un point en plus parce qu'ils nous ont pas proposé la stipulation stairs, les escaliers. Là. On Ah avait eu le oui, droit ça, l'an oh là là. dernier. On y a vu droit l'année dernière, Heureusement, Eric Eric Show, Rowan, Eric Eric Show. Rowan, oui, bien sûr. Eric One Big Show, ouais, c'était super. Et Oscar, lui, il est Ironie, bien sûr. plutôt de mon avis d'ailleurs. Lui, il part sur un petit 6 sur 10. Voilà, comme quoi. Qui est le plus proche des auditeurs? Non, je Ben, c'est blague. l'animateur, hein, comme d'hab. Oh, forcément, il faut toujours une part de lèche-cul, entre guillemets. Quoique C'est ça. Médissoulas, lui, il est plus Sébastien. Lui, il est 6,5. Donc, voilà. Lui, il est sur notre moyenne. Donc, Ah. ça va. Là, c'est plus raccord, là, c'est sûr. Mais globalement, tout le monde se rejoint sur les notes entre 6 et 7. Ça va. C'est quand même assez sympa, globalement, quand même. C'est quelque chose à voir. Et surtout, le début et la fin, donc, du pay-per-view, qu'on vous conseille. Si vous voulez pas voir, les 3 heures, bien sûr. Mais donc, Voilà, c'est ça, maintenant. c'est un peu comme les films de Ridley Scott, Bruce. Il faut regarder le début puis la fin. Enfin, selon Ro Benito, hein. Eh oui, c'est vrai, oui. Ouais, d'ailleurs, à qui on passe le bonjour, bien sûr. Absent de ce soir, d'habitude, c'est lui qui anime, mais ce coup-ci, c'est moi qui prends la place. Donc, on a fini cette analyse. Je vais citer les partenaires, bien sûr. Grâce à eux, Je les remercie de nous faire partager toujours leur passion pour le catch et de nous partager bien sûr aussi nos podcasts. Le monde du catch, le temple du catch, Vox Catch, FN Lutte et British Wrestling Revival, site anglais qui vous propose, on vous propose d'ailleurs de partager à chaque fois la présentation d'un catcheur anglais, enfin britannique même en général, une fois par mois. Donc on n'a quand même pas fini cette année 2015. Car en fin de semaine, samedi, on va sortir le Next Gen Wrestlers sur le show NXT à Londres, qui aura lieu, si vous voulez le suivre en direct d'ailleurs, sur le Network à 21h ce mercredi. Bon, c'est quand même plus sympa, c'est sûr, de suivre un show à cette heure-ci de la WWE. Et donc va arriver la surprise maintenant, qu'on vous a pas mal teasé ces toutes dernières heures. Et puis je vais laisser Sébastien l'annoncer, le nom de cette ancienne superstar de la WWE qu'on va avoir en interview très rapidement et que vous écouterez début 2016. C'est lui qui lancera l'année 2016. Qui ça peut être, Seb? Attention, Seb. Me sors pas à Gwen. Je t'ai vendu la mèche. Non, c'est pas lui, c'est un peu plus intéressant quand même. C'est celui qui est actuellement le champion poids lourd de la OVW et qui a été 3 fois champion du monde par équipe avec Sylvain Grenier à la WWE dans le clan de La Résistance, cher à notre douce France, c'est Rob Conway. Voilà, c'est lui qui sera présent avec nous en ce champion du monde par équipe à la WWE. Donc, et si jamais vous ne le connaissez pas, parce que ça date quand même un petit peu sa présence, je vous invite à consulter sur YouTube La Résistance. C'est un clan qui défendait la France, donc ça peut vous intéresser. Ouais, puis après Montréal aussi. Ouais, Québec, par la suite. Ouais. Et le Québec par la suite, c'est vrai que c'est vrai. Rob Conway, c'est pas rien. Il avait gagné ses premiers titres contre Edge et Chris Benoit, donc ouais. C'est très bien. Just et look at me. Voilà. Beaucoup de légendes. Hein. Voilà, ouais, vous pourrez écouter donc l'interprétation du thème de Rob Conway par Renaud aussi en exclu prochainement. Mais donc on vous donne rendez-vous pour le Next Gen Wrestlers pour finir cette année. N'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, encore après coup bien sûr, et de ce podcast aussi bien sûr. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur Facebook à Wessos Radio officiel, sur Twitter à Wessos Radio, toujours réagir sur le hashtag WR Live, même hors podcast, ça nous aide toujours, notamment dans la recherche toujours de cette prise de finition, le nom de la prise de finition de Trista Archer qu'on a eu en interview tout récemment, que vous pouvez écouter d'ailleurs. Et puis, oui, voilà. Donc, et puis après, on se retrouvera en début d'année 2016 à l'interview de Rob Conway. Et ensuite, ce sera le Royal Rumble, bien sûr, qui aura lieu le 24 janvier, bien sûr. Ça, c'est plus lointain. Et voilà, ce sera le prochain rendez-vous WWE. Mais d'ici là, ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont réagi sur Twitter et sur YouTube. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et encore merci à mes deux acolytes pour cette bonne heure. Et à une prochaine fois, voilà. À ciao. À bientôt. Salut les amis. Si tu ressens le power of the positivity du New Day, alors rejoins-nous sur Wrestles Radio.